Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez sur Radioactive, le 94.7 à Amboise et 93 sur Montlouis et son territoire. Bienvenue dans une nouvelle émission Les Retraités s'activent. Alors nous sommes aujourd'hui au Myosotis, dans la résidence de la plupart de nos amis qui sont accompagnés, comme on aime à le rappeler à chaque début d'émission, par le service entourage de la communauté de communes du Val d'Amboise. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Odette, Claudine, Michel, Christiane et Marcel. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors, le thème de cette nouvelle émission, c'est aujourd'hui les méthodes éducatives. Alors, on a eu l'occasion déjà d'échanger un petit peu hors antenne là-dessus à différentes reprises. Et c'est un thème qui suscitait pas mal de réactions et de souvenirs de votre part. Donc, on s'est dit, on va en faire une émission. Alors quand on parle de méthodes éducatives, il y a deux aspects. Il y a qu'est-ce qui se passait à l'école et puis comment ça se passait à la maison. Alors peut-être que vous pourriez déjà nous dire comment ça se passait à l'école. Est-ce que vous avez des souvenirs de... Est-ce qu'il y avait des règles particulières à respecter? Quelles étaient les punitions à l'école? On vous écoute sur vos souvenirs. Marcel? Oui, eh bien, moi j'ai quelques bons souvenirs de l'école, plutôt des bons souvenirs parce que j'étais une très bonne élève, mais il m'arrivait d'être punie parce que j'étais bavarde. Et j'ai un souvenir de... Je suis allée en école privée jusqu'en maternelle. Et la punition, c'était... On nous enfermait dans un placard sous un escalier, dans le noir. C'est une punition que j'adorais. Parce que je n'ai jamais eu peur du noir. Et sous cette cage d'escalier, il y avait la réserve de gâteaux qu'on distribuait pour les goûter. Alors, dans le noir, j'ouvrais une boîte et je bouffais les gâteaux. Voilà. Donc, quand j'étais punie, ça étonnait beaucoup la maîtresse parce que j'avais toujours le sourire. Jusqu'au jour où il n'y avait plus les gâteaux là. Ils avaient dû se rendre compte de la supercherie. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais enfin, j'étais beaucoup moins souriante quand j'étais punie. Et alors les punitions, c'était parce que trop de bavardage, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bavardage n'était pas toléré en classe. C'était quelque chose qui était... Ouais. Non, j'étais vraiment une très bonne élève. Tout le temps, j'ai été une élève brillante. Bon. Mais c'était de la discipline qui me jouait des tours. Voilà. J'étais loin d'être bête et indisciplinée. Il y a des réactions autour de la table quand vous dites ça, Marcel. Ok. Christiane, est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers? Moi, de l'école, j'ai des bons souvenirs, sauf une classe où on avait une maîtresse qui était vraiment méchante. Méchante à ce point-là? Oui. Cette année-là, on a vraiment très mal appris parce qu'elle nous bloquait par sa méchanceté, en fait. Elle passait derrière nous dès qu'on faisait quelque chose, un devoir. Et si quelque chose ne lui plaisait pas, elle tirait les cheveux, tirait les oreilles, elle tapait derrière la tête. Ah oui. Et ça bloquait tout le monde. Et alors là, on est vraiment sur des punitions corporelles, chose qui serait plus tolérée de nos jours. Ça, bon, elle était aigrie, je pense que c'était quelqu'un de bizarre, d'exceptionnellement méchant. Bon, il n'y a que ça. Autrement, on nous obligeait à porter des blouses. Ouais, voilà. Mais au niveau éducation, je trouve que c'était bien quand même, à l'époque. Oui. Ah oui, le CP, c'était vraiment... Moi, où j'étais, c'était vraiment une très bonne classe. Et quand on sortait du CP, on savait lire, on savait compter. On avait une super maîtresse. Ouais. Ça veut dire que vous pensez qu'aujourd'hui, le niveau a baissé par rapport au CP de l'époque? Oui. Le niveau a baissé, même après. Parce que quand vous voyez des... Je côtoie mes petites filles... Je les ai vus grandir puisque je les ai élevés en partie. À 14 ans, elles ne savaient pas où placer Lille, où placer Toulouse, où placer. Il y a des choses qui manquent. Oui, puis les cours de géographie, là en l'occurrence, si on parle de géographie, n'étaient pas les mêmes non plus. L'histoire, c'est même pas la peine d'en parler. Oui. Ils ne savent pas qui est Vercingétorix. Ça n'a peut-être pas d'importance, c'est peut-être pas utile, je ne sais pas. Ça fait quand même partie d'une culture générale qui est importante. C'est vrai que sur l'aspect... C'est sûr qu'ils ne s'en servent plus. de tout ça. Mais moi, je me rappelle que mes parents, par exemple, à l'école, avaient dû apprendre les départements français. Oui. Ah bah ça, oui. Nous, on n'a jamais eu à le faire. Nous, Mes parents m'avaient acheté le puzzle. Les préfectures, les sous-préfectures, oui. Mes parents m'avaient acheté la carte de France en puzzle et ça a aidé. Hein. Ouais. Et on a toujours ces souvenirs de... On en connaît quand même pas mal, hein, des départements. Ben là, ça va être déjà à l'époque, dans les classes, il y avait souvent affiché une map monde et la carte des départements. Mmh. Oui. Les vieilles cartes. Ah non, bah, c'est différent. C'est vrai qu'au niveau punition et tout ça, parfois, dans certaines classes, c'était dur. Hein. C'était même limite. Hein. Mmh. Les rester à genoux toute une après-midi dehors, il y en avait. Hein. Ah, nous, on avait école de filles, école de garçons. Hein. Eh oui. L'école de garçons, c'était ça. Hein. Et les punitions, elles étaient pour quelles raisons? Bavardage aussi, des choses bavardage, comme ça. Bavardage. Bon, nous, c'était pas une très grande ville, donc il y avait des enfants qui travaillaient chez leurs parents le soir pour aider tout ça. Donc le matin, ils n'étaient pas toujours très en forme, donc ils avaient ils somnolaient un peu, ils avaient du mal à suivre. Bon, je sais pas trop ce qui se passait. Mais il y avait des bonnes punitions. Hein. Oh là là là. Ouais. Mais je pense que tous les gens de mon âge ont dû connaître ça, hein, ou voir ce genre de choses. Alors, Morissette est partie. Morissette, qu'on salue, hein, qui était là tout à l'heure, qui vous entendez juste avant l'émission, et qui, elle, disait qu'elle n'avait pas, elle, connu ça, en tout cas de maîtresse très méchante. Bah, moi, j'en ai connu qu'une. Hein. Ouais. Mais je connais encore son nom. Hein. Ah oui, ah, mais ça marque, évidemment. Et puis je pense qu'à l'inverse, vous avez aussi en mémoire les noms de professeurs qui vous ont marqué, mais oui, à l'inverse, oui, parce qu'ils étaient formidables. Moi, je connais la plupart des noms de ma première école, en fait, jusqu'à 14 ans. Donc, c'était dans le Nord. Donc, Puis c'est vrai que le rapport à l'instituteur, au professeur... C'est quelque chose d'énorme quand on est enfant. Et puis on avait aussi les photos de classe. Oui. Donc c'est un repère. Hein. Oui. Parce que ma mère les a gardées, elle me les a transmises, donc j'ai toutes mes photos de classe. Ça, c'est super. Oui. D'accord, Christiane, merci. Voilà. Michel, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire de tout ça, Michel? Moi, c'est ma première maîtresse, moi, qui m'a un peu bloquée. La toute première? Oui. Alors, toute petite, elle alors. M'a bloquée. J'avais des difficultés pour apprendre à lire. Mm-hmm. Et dès qu'elle me demandait de lire, la façon qu'elle me le demandait, ça me bloquait. Ah oui. Il y a des gens qui ont le chic pour mettre la pression comme ça. Oui. On perd les moyens parce qu'on sait qu'on va être... Oui. Par contre, ma dernière, en primaire, ma dernière, je l'ai adorée. Ah oui. Oui. Madame Fouché, là, elle était... elle m'a apporté... beaucoup de choses. Que, là, ça m'ouvrait des portes, parce que celle qu'il y a eu entre... parce que j'en ai eu une autre entre les deux. Par contre, celle-là, c'était le coup de règle sur les doigts. Ah, c'était... Alors... celle-là, je ne l'ai pas appréciée du tout. Ouais, non, non, non. Mais bon, c'est vrai que j'étais un peu bavarde en classe. J'ai frôlé le scotch rouge. J'avais eu le scotch transparent plusieurs fois, et au bout de plusieurs fois, on risquait... Là, ça m'a calmée. Mais autrement, j'aimais bien la classe, mais m'exprimer devant les autres, lire devant les autres, ou faire la dictée au tableau. Ça, c'était l'horreur pour moi. Ça me bloquait, le jugement des autres, si je faisais une faute ou quoi que ce soit, ça me bloquait. Les punitions, moi, à part le scotch, et puis une fois le coup des règles, je ne me rappelle plus pour quelle raison. Je me rappelle la douleur que j'ai ressentie en recevant, parce que c'était une règle en métal en plus. Il ne fallait pas se plaindre, hein, parce que si je m'étais plaint en arrivant à la maison, j'aurais eu une autre punition encore. Mais alors. C'est ça, c'est intéressant ce que vous soulevez là, c'est-à-dire que est-ce que les parents, ils suivaient justement par rapport aux punitions, est-ce qu'ils étaient d'accord? C'est-à-dire qu'en rentrant à la maison... On entend aujourd'hui, par exemple, des parents dire que l'instituteur a exagéré, qu'il n'aurait pas dû punir, que c'était le cas aussi à l'époque. Ah non, non, non, j'avais pas intérêt de me plaindre. Si je m'étais plaint, je me serais ramassé une claque, carrément. Ma mère, mon père, non. Mais ma mère, c'est que tu l'as mérité et puis il n'y a pas de plainte. Moi, je ne disais rien parce que j'avais honte, en fait. Je me disais, si elle frappe, c'est parce qu'il y a des raisons. Donc, je disais rien. Oui. De toute façon, mes parents, chez nous, on n'a jamais été ni battus. Je crois bien qu'on n'a jamais pris une gifle, même pas une fessée, rien du tout. Donc, une fois rentrés chez les parents, on était en sécurité. Et puis voilà, quoi. Après, on savait que le lendemain, on allait resubir la même chose. Mais bon, ça a duré qu'une année. Hein. Oui. Après, les autres maîtresses. Là, c'était la classe où il fallait apprendre toutes les règles de grammaire. C'est des choses qu'on avait du mal à retenir parce qu'on apprenait toutes les règles de grammaire, contrairement à maintenant. Hein, c'est plus du tout ça. Donc, c'était difficile, hein, les nouveaux verbes. Donc, elle était... Et d'ailleurs, c'était quelle amplitude l'école ? Ça devait être amplitude. Je veux dire, c'était quoi une journée d'école ? C'est comme aujourd'hui, du 9h-16h30 Ah non, c'était plutôt que ça. On commençait à 8h30. Oui. On commençait à 8h30 et on finissait à 5h30 le soir. Hein. Ah, on avait 2h le midi. Ah oui, donc... Mais c'était des grandes amplitudes. Et on allait à l'école le samedi matin. Oui. On n'avait que le jeudi. Ah oui, c'était le jeudi à l'époque, c'était le mercredi d'aujourd'hui. Oui, on avait finalement beaucoup plus d'heures d'école. Oui. D'accord. Ouais, oui, donc effectivement, les leçons de grammaire, il fallait retenir tout ça. Ouais. Oui. Marcel, elle avait quelque chose à dire. Oui, moi, je ne me plaignais pas chez moi. Les motifs étant la discipline, comme à la maison, quand j'étais punie, c'était souvent ça aussi. Bon, je n'allais pas me plaindre. Hein. Oui, moi, j'ai ma mère, c'est arrivé qu'elle nous donne une claque, mais enfin, ça ne nous retournait pas la tête non plus. Oui. Mais on était quand même contrariés de recevoir une claque. Bien sûr. Bon, c'était pas un bon principe, c'est un truc que j'aurais jamais fait à ma fille. Oui. Mais il y avait une certaine discipline. Mon père était très laxiste, lui. Il était, c'était le bout en train, c'était le... On rigole. Mais c'est arrivé une fois quand même que je me suis pêché une fessée. Parce qu'on avait, avec ma sœur jumelle, on avait fait une bêtise. Mais c'est sûr qu'il y en a maintenant qui iraient peut-être porter plainte contre les parents parce que... Mais c'était pas non plus des tortures, c'était pas non plus... On avait fait une bêtise, on était punis. Ma mère, c'était la main leste, quoi. C'était... L'autorité, c'était maman à la maison. Ah oui, mais oui. Je vous voyais réagir, Claudine. Vous acquiescez de la tête. Vous êtes d'accord ? Entièrement d'accord. Oui. Ah oui. C'est vrai. Il y avait du respect aussi. Oui. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y en a plus ? Parce qu'on le méritait, hein, de toute manière. Hein. Oui. On le savait. Hein. C'était justifié, mais pas au point de faire... moi, c'était les tours de cours... Hein. Ah oui, ça aussi à l'école. Tour de cours, alors Dieu sait si j'en ai fait. Hein. En courant, fallait. Non, marchant. Non. Hein. Ah oui, marchant les mains dans le dos. C'était assez. Ah oui. Ouais. Oui. Être à genoux aussi, hein, devant le tableau, hein, comme ça tout le monde était, voilà. Ou alors sous le bureau aussi, elle nous mettait. Elle nous mettait sous son bureau. Voilà. Les punitions. Il y a peu de choses comme ça maintenant. Non. Non, y a plus, j'ai vu aussi avoir des lignes à copier, des pages de dictionnaire. Étonnée qu'on n'en ait pas encore entendu parler, des lignes à copier. Des pages de dictionnaire. Ah oui. Si, c'est des lignes. Alors moi, j'ai connu aussi. Sans lignes à copier, je ne recommencerai pas. Enfin bref. Oui. Ah oui. Et c'est une maîtresse qui a eu mes enfants aussi. Ah, dis donc. Oui. Est-ce qu'ils ont refait les mêmes bêtises que maman ? Ça n'avait plus rien à voir avec moi. Hein. Oui. Non. Bah, elles avaient tout. C'est vrai changé, que c'était l'époque, à mon époque. Hein, si on croisait un maître ou une maîtresse dans la rue, on avait intérêt de lui dire bonjour. Hein. Ah oui. Oui, mais c'est ça. Après, et c'est... les garçons avaient intérêt d'enlever leur béret pour les saluer. Ah hein. Oui. Parce que sinon, le lendemain à l'école ou... Il y avait ce qu'il fallait aussi. Ah, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. On était en rang avant de rentrer en classe et il fallait dire bonjour à la maîtresse, la première chose à faire déjà. Hein. On était en rang et on rentrait en classe et puis on s'asseyait, voilà. Si quelqu'un arrivait, une autre maîtresse qui venait, eh bien, on n'avait qu'une chose à faire, c'était de se mettre debout. Pour lui dire bonjour. Hein. Enfin, on ne disait pas bonjour, enfin, on disait bonjour, mais il fallait se mettre debout. Debout, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Non. Aujourd'hui, c'est si. Tout l'inverse. Ah, c'est... Alors, attendez, on a nos garçons qui réagissent, Vincent et Hugo. Ah si, si, ça existe toujours, ça, qu'un surveillant intervienne dans une classe ou un autre professeur, on a obligation de se lever. Après, c'est moins respecté certainement qu'à votre époque. Et moi, personnellement, j'ai toujours ce réflexe de me lever en signe de respect envers la personne entrant dans la classe. Mm. Parce que ça me paraît normal, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est normal, quoi. C'est un signe de respect envers cette personne. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai que même outre un autre professeur, on avait ce réflexe. Là, c'est plus tard, mais même toujours au lycée public en plus, je précise. Quand, par exemple, un membre de l'administration, comme le CPE, le principal, rentrait dans la classe, on ne nous disait rien, on se levait aussitôt. Et si on ne se levait pas, on se prenait une réflexion du professeur ou du proviseur ou du membre de l'administration. Pareil, quand on rentrait en classe, on était en rang aligné contre le mur, pour pas gêner en même temps les autres, et on nous faisait des réflexions quand on était justement pas suffisamment aligné. Et pareil pour le collège, on était en rang. Je me rappelle très bien collège Malraux à Amboise. Je sais pas si c'est toujours le cas. Dans la cour, il y a toujours cette sorte de parking entre guillemets avec le numéro des classes où chaque élève, on n'est pas forcément en rang, mais on reste dans cette colonne et on n'en bouge pas jusqu'à ce que le professeur arrive pour nous emmener. Question respect. Moi, j'ai un souvenir de mon père. Le matin, je rencontre un voisin, j'ai dit bonjour, et puis je continue, parce qu'on était en pleine campagne, on ne rencontrait pas grand monde. Et puis, dans l'après-midi, je ne sais plus où j'allais avec mon père, et on rencontre le même monsieur. Et mon père dit bonjour, moi je dis rien, je l'avais vu le matin. Je me suis fait enguirlander par mon père. Il dit, tu dis bonjour? Et je dis, mais j'ai dit bonjour ce matin. Il dit, tu peux le rencontrer dans 10 minutes, tu dois y dire bonjour. Là, c'était... c'est tout ce qu'il m'a dit. Mm. Mais venant de mon père, que j'adorais, je me suis sentie mal, parce que j'ai dit... Bon, voilà, j'ai tenu la leçon. Après, quand je rencontrais les gens, j'aurais pu les rencontrer... Heureusement, en campagne, on ne rencontre pas souvent. Mais ça m'avait marqué. Je dis, il avait une façon de voir les choses qui... On devait le respect à tout le monde, quoi. C'était... Mais effectivement, j'ai l'impression que pour ce qui est de l'autorité parentale... Pour ma part, c'est pareil. Mon père, il avait juste à lever la voix, ça suffisait. J'ai jamais eu de gifle, de fessée. De... Ouais. Maintenant, c'est plus compliqué avec les enfants. Mais c'est oui. plus compliqué. On n'a pas trop entendu Odette. Oui. Mettez bien le micro juste devant votre bouche, Odette, pour qu'on vous entende bien. Oui, je n'aimais pas trop l'école, alors à chaque fois, je disais, je suis malade, je suis malade. Je oh, malade. Et ça passait ? Je me pliais toujours. Et ça marchait ? Oui, quand même, à la mer, à un moment donné. Bon, puis après, ça a été quand même... ça allait. J'étais assez sage, quand même. Mais, et puis alors, ça s'est trouvé pendant la guerre. Ah oui ? Moi, je suis née en 31, alors. Hein. Donc, le certificat, tout ça, ça avait été un petit peu compliqué. Hein. Donc, non, ça s'est pas mal passé. J'étais assez sage. À quel âge on passait le certificat d'études ? 14 ans. 12. J'ai 14 ma sœur, elle l'a passé à 11 ans. Ah, dis donc. Moi, je l'ai passé qu'à 14 ans, parce que ça s'est trouvé pendant la guerre. Et j'avais un cousin qui était... Ils étaient instituteurs tous les deux, le mari et la femme. Et mon cousin était déporté. Donc, ma cousine restait seule. Et qu'est-ce qu'on m'a fait faire ? Elle avait deux petites filles et je les gardais le matin. Ah. Et j'allais à l'école l'après-midi. D'accord. À ce moment-là. Mais on s'aidait, les familles. De toute façon, le certificat, on allait à l'école jusqu'à 14 ans. C'est vrai. Est-ce qu'on s'en on ferait pas ça maintenant ? Non. Il y avait juste celles qui prenaient l'option collège. À l'époque, c'était ce qu'on a appelé le collège classique. Elle partait à 11 ans de l'école, mais celle qui n'allait pas au collège, elle passait le certificat d'études à 14 ans. On restait en primaire jusqu'à 14 ans. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, dans les disciplines qui étaient enseignées, il y avait la cuisine, la couture, oui, des choses comme ça. Non, c'est après. C'est après ? Après 14 ans, on allait dans un collège technique ou moderne. Enfin, le moderne, c'était classique. Et donc, les collèges techniques, on apprenait couture, cuisine... Et repassage. Et ça, vous pensez que c'est dommage que ça ne oui. soit plus le cas ? Oui, parce que ça donne des bases. Hein. Mmh. Ça apprend. Oui, oui, oui. Mais moi, oui, j'ai sûr, apprend, hein. je savais repasser, je savais, enfin, la couture. Après, j'ai pris une option couture. Mais le peu qu'on faisait, on nous faisait faire des petits travaux et c'était utile. Hein. Vous savez, servir d'une machine à coudre, mmh. ou même recoudre un bouton, voilà. Et chose ça, c'était que pour les filles. C'était filles et garçons, ah bah oui, séparés. Non, non, non, nous, j'ai toujours été dans des lycées avec les filles. Il y a juste une année de collège où il y a eu un mélange filles-garçons parce que c'était un lycée technique. Il y avait des coiffeuses, les couturières et les cuisiniers dans la même. Donc là, il y avait un mélange filles-garçons. Sinon, c'était toujours école-filles, école-garçons. Pour rebondir sur les punitions à l'école, j'apprenais jamais mes leçons. Et quand j'étais interrogée, c'était la première, parce que sinon, il suffisait que quelqu'un récite sa leçon, et puis bon, j'étais... Alors, un jour, c'était sur la géographie, il se met à parler, le professeur de géographie, il dit là, titi caca. Et j'éclate de rire, parce que je connaissais pas... Ça fait rire. Je découvrais, quoi. Alors, il m'a fait copier 100 fois, le lac Titicaca est en Bolivie. Et je lui en veux beaucoup, parce que c'est pas vrai, le lac Titicaca, il n'est pas en Bolivie, il est dans un pays à côté. Je sais. Enfin bref. Mais en tous les cas, j'ai copié ça plusieurs fois. Et puis j'ai aussi eu une autre punition mémorable quand j'étais au collège. On faisait à l'époque des rédactions, ce qu'on appelait des rédactions. Mmh. Et quand le sujet ne m'inspirait pas, j'avais horreur d'avoir une mauvaise note. Quand le sujet ne m'inspirait pas, je rendais page blanche. Alors, le prof de français était aussi responsable de la bibliothèque au collège. Et j'étais une dévoreuse de livres. Et il m'a donné une punition. Il m'a dit, la prochaine fois, vous serez privée de bibliothèque. Oh. Alors ça, c'était la grosse punition. Ah, dis donc. Alors, j'ai fait l'effort de faire des rédactions quand même. Privée de bibliothèque, ah bah dis donc. Il y en a qui me remercieraient les professeurs de nos jours, peut-être, d'être privée de bibliothèque. Pour moi, c'était... Quand j'étais gamine, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, c'était des livres. Pour revenir sur Christiane qui disait qu'on faisait l'école jusqu'au samedi à midi, je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est terminé, mais je sais qu'on a fini... Ils ont mis l'école obligatoire... Jusqu'à 16 ans. Oui, donc c'était en 69, parce que c'est l'année où tout le monde partait en 6e, sauf moi. Moi, je ne suis pas allée en 6e parce que je devais aller dans une école de couture et puis que finalement, mes parents se sont pris trop tard. C'est en 69, je suis sûre de moi, parce que c'est l'année que, de mes 14 ans, on n'était quand même pas obligé d'aller en 6e, puisque moi, je suis allée... Non, à 12 ans, tu quittais la primaire pour aller au collège. Non, non, ça, je suis sûre de moi. Dans notre école, on allait jusqu'à 14 ans, jusqu'au certificat d'études. Alors, chers auditeurs, il y a un débat là, actuellement, un désaccord sur des dates. Bon, nous, on était en race campagne, il y avait deux classes quand même. En 69, la loi est passée et il fallait continuer jusqu'à 16 ans. Et c'était le collège, enfin le collège ou une autre école du moment ou un apprentissage. Mais, et moi, j'étais dans un petit collège à 11 ans où on allait jusqu'en 3e. Et on nous obligeait à se présenter au certificat d'études quand même pour nous habituer à passer un examen. Alors, ce qui était difficile, c'est qu'on a commencé à faire de l'algèbre et qu'au certificat d'études, c'est l'arithmétique. Donc, c'était un peu le piège, quoi. Mais voilà. Et quand j'ai passé le certificat d'études, j'ai été reçue 3e du département. Oh, bah dis donc. Chapeau. Bah, ça valait le coup d'être dit. Hein. J'avais eu un prix spécial à la fin de l'année. Quand je vous dis que j'étais une élève brillante, mais je suis une enfle pas, hein, c'est vrai. Claudine, oui. Odette. Ça fait rien, c'est Ah si, Odette, elle disait quelque chose d'intéressant. Vous vouliez être coiffeuse. Oui. et alors, du coup c'était la guerre. Alors, mes parents n'ont pas pu me placer. Parce ah que, oui. Alors, je faisais rien. En attendant que ça se précise. Vous n'avez jamais été coiffeuse, alors ? Un petit peu. Ben, où j'habitais, elle avait besoin de temps en temps, alors ça me faisait... Vous faisiez les shampoings ? Les shampoings, oui. Oui. Enlever les bigoudis. C'est facile. Et tout à l'heure, Claudine, vous évoquiez le port de la blouse. Oui. tous étaient en blouse. Oui. Ah oui, tout oui. le monde autour de la table, vous avez connu ah oui, ça ah oui, oui, oui, oui, oui. Port obligatoire de la blouse. Ah oui. Et à l'école libre, on c'était même des blouses noires avec des petits cols ronds. Oui, en école libre, ah, oui. Non. Oui. Voilà. C'était moche. Nous, on mettait ce qu'on voulait, mais les garçons, par contre, c'était des blouses grises. Hein. Enfin, de toute façon, ils se vendaient que ça dans les magasins pour les garçons. Les filles, on avait le droit à des petites blouses plus fantaisie. Mais les mes garçons, enfants, c'était des blouses grises. La blouse aussi, hein. Et j'ai une question justement à vous poser par rapport à la blouse. Il y a souvent cette question de l'uniforme qui ça s'est revenir. Mais est-ce que vous, à votre époque, malgré que tout le monde avait le même habit, ça empêchait les moqueries, ce genre de choses? Moi, j'ai pas souvenance. Enfin, nous, on avait dans notre classe des petites filles qui venaient de la DAS. Enfin, qui ne venaient pas de la DAS. Elles étaient dans des familles d'accueil. Donc, elles n'étaient pas toujours très bien habillées parce que... À l'époque, on ne donnait pas des trousseaux comme après. Ouais. Donc, elles avaient des blouses noires qu'on leur donnait certainement de la DAS, je suppose. Donc, ça évitait quand même de montrer ce qu'elles avaient en dessous, quoi, parce que ce n'était pas toujours très adapté. Mais moi, je pense que les blouses, ça permet quand même de... Voilà, il y a des enfants qui peuvent avoir des marques et d'autres qui ne peuvent pas en avoir. Donc, moi, je trouve que la blouse ou l'uniforme, ça peut être une solution, hein. Ça peut être une solution. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Moi, je dis que si. Ah si. Aujourd'hui, si. Tout quand tu vois ce qui se passe dans les très chic. Ouais, voilà. Oui, mais l'essentiel, c'est très méchant. C'est un concours de donner après. Une éducation aux enfants de façon à ce qu'ils acceptent les différences, quoi. Non. Ah oui, mais ça. C'était pendant le temps, ça. Ça refait. Mais pas aujourd'hui, hein. Justement, moi, je dis, ça peut aider, justement, à couper cette barrière-là. Moi, j'ai vu à l'école primaire de Nazelle, certaines arrivées à 11 ans, là, qui sont habillées dernière mode et puis même assez suggestif et un peu provoquant. Et moi, je trouve que la blouse, justement, amène une certaine discipline. Exiger une tenue correcte, ça suffit, quoi. Oui, non, mais c'est justement là. Parce que maintenant, les parents... ils suivent les goûts de certains enfants. Il y en a quand tu vois les parents. Et ça commence à la maternelle. Hein. Oui, voilà. Mais maternelle déjà, les mômes, il faut voir comment ils sont. Hein. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'une fois, j'ai vu une gamine, mais j'ai dit, elle est en primaire, quoi. J'y allais même pas encore au collège à s'habiller. C'était pour moi limite provoquant. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu grande pour son âge, mais peut-être qu'elle avait redoublé, je ne sais pas. Mais une blouse, pour moi, déjà, ça aurait... couper ce... Mais bon, les avis sont tranchés. Toi, Vincent, tu posais la question, mais c'est quoi ton avis là-dessus, par exemple? C'est que je me posais la question parce que j'ai mes parents qui ont eu leur éducation dans les années 70 et qui ont eu aussi et un peu pareil que vous au niveau de l'éducation. Mmh. Ils sont passés par des classes non mixtes, ils ont porté un peu l'uniforme, mais c'est pareil, ils avaient cet avis un peu mitigé du « oui, ça peut aider ». Mais en même temps, les gamins, comme c'est un petit peu méchant, ça va se concentrer sur d'autres aspects, etc. Du coup, en même temps, je voulais savoir votre avis, vous qui étiez passé. D'autres aspects, c'est-à-dire ? Par exemple, même si on a une blouse, les chaussures, ou alors sur le visage, ou les lunettes cassées, etc. Ah ouais. Parce que là, apparemment, ils étaient plus sur l'uniforme qu'une blouse. Hein. Quand ça a été discuté, ouais, c'était plus l'uniforme que la blouse. Après, ça dépend de l'uniforme aussi, hein. Parce que moi, je suis allée en Belgique, j'étais un an en école en Belgique, chez des sœurs, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Et on avait un uniforme, il n'était pas toujours très adapté à la morphologie. Et on retrouvait des filles un petit peu fortes avec des jupes plissées. C'était pas génial, quoi. C'était pas coquette, hein. Ça faisait bizarre. Donc après, c'est ça, il faut avoir un uniforme qui s'adapte quand même à toutes les morphologies, parce que ça peut être... aussi des moqueries. Et moi j'aurais une question parce que à l'école, moi j'ai connu beaucoup de harcèlement envers des camarades ou envers moi. Oui. Et je voudrais vous poser la question qui est la suivante. Vous, comment ça se passait le harcèlement à votre époque à l'école, ou est-ce qu'il y en avait ou pas? Nous, il n'y avait pas, enfin moi où j'étais, il n'y avait pas de harcèlement, mais comme il y avait école des filles, école des garçons, à la sortie, il ne fallait pas trop traîner parce qu'il y avait certains garçons qui n'étaient pas sympas. Mais ça se passait quand on rentrait chez nous, ils nous attendaient avec des cailloux, ou ils nous coursaient. Carrément, les cailloux. Ouais, mais bon, ça, Ça ne nous choquait pas. Ah oui, oui, oui, des cailloux, on en a pris, des coups de cailloux, on en a pris. Voilà, ils nous coursaient, puis voilà. C'était des bagarres de gamins, quoi. Mmh. Ça allait pas très loin non plus. Hein. C'était pas. Oui. On n'était pas en danger de mort. Hein. Non, c'est sûr. Et pas de couteau. Pas très sympa. Quand donc non, c'était pas sympa, mais ça a toujours été. Hein. Après, il fallait se faire des copains. Hein. Mmh. Donc c'était des bonbons, des voilà, on les achetait. Mmh. Où on avait aussi nos propres voisins qui nous défendaient ou nos propres frères. Oui. Donc, d'accord. Ça se passait en généralement bien. Il n'y avait pas de. Mais du harcèlement vraiment comme maintenant, non. Enfin, moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Même dans les collèges que j'ai fait plus tard, parce qu'on a déménagé pas mal de fois, je n'ai jamais connu ça. C'est un petit peu nouveau quand même, hein, depuis quelques années. Enfin, nouveau. Ça fait un moment que ça dure. Oui, mais peut-être qu'on en parle. Ouais. Moi, jusqu'en 67, il me semble que c'est en 67, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu du harcèlement, ni de moqueries. Parce qu'on était garçons et filles, nous, et on jouait tous ensemble, tout se passait bien. Là où j'ai senti que je n'ai pas aimé cette façon de faire, c'est, il me semble que c'est en 67, les Portugaises sont arrivées à l'école. Il y avait beaucoup qui se sont installés du côté d'Azay-sur-Cher, vers l'Arcé, tout ça. Mmh. Et il y en avait qui venaient à l'école. Je me rappelle, il y avait deux filles portugaises qui étaient très gentilles. Moi, je les trouvais très gentilles. Mais certaines se moquaient d'elles parce qu'elles ne s'habillaient pas comme nous. Ah, leur façon de s'habiller, est-ce qu'elles mettaient un pantalon en dessous d'une robe, enfin, des choses comme ça, quoi. Et, enfin, leur façon de s'habiller. Et je trouvais ça méchant parce que je dis, ces filles, ils arrivaient, ils parlaient pas très bien le français, très mal même. Là, moi, j'ai pas aimé parce que je trouvais que c'était de la moquerie méchante. Oui. C'était un peu de harcèlement. Ah, quoi. Oui, l'acceptation de la différence, c'était déjà compliqué pour certains. Oui, ça m'avait marqué. J'ai dit, mais bon, d'accord, ils sont habillés comme ça, mais pour moi, je voyais plutôt la personne en elle-même. Quoi. Mmh. On sentait qu'elles avaient un peu de mal. Bah oui, les moqueries, ça fait mal, hein. Juste pour ça, parce qu'ils étaient habillés un petit peu différemment. Claudine, sur le harcèlement, des souvenirs de ça ? Non, non. Du tout ? Du tout. Il y avait plus de tolérance ? Pas plus que ça, non. Non. Non, à part en 67. Il me semble bien que c'est en 67 qu'ils sont arrivés, mais non. Nous, c'est pareil, hein. C'était la campagne. Hein. Non, on jouait tous ensemble, même avec les petits, tout ça. Je me souviens de jouer à la chaîne et tout ça, même avec les petits. J'ai ma sœur, elle s'était payée le mur. En bout de chaîne, mais non, on avait plus de respect quand même, on n'avait pas cette moquerie. Voir, mais alors, surtout la politesse. La politesse. Oui, oui. La politesse. Bah, on avait une leçon de morale. Je me souviens qu'on était vraiment dans un petit village et quand on sortait, c'était. On allait en ville, c'était pas rien. Hein. Mmh. Hein. On avait les vêtements du dimanche. Hein. Ah, ouais. Attention, hein. Dès qu'on était rentrés, il fallait quitter. Et je me souviens très bien, on était toutes petites. Maman nous avait emmenées à Blois. Et nous, on savait dire bonjour. Hein. Et là, on voyait tellement de monde. Bonjour, madame, bonjour, bonjour. Et on n'arrêtait pas de dire bonjour. Maman nous dit, mais attends, ils ne vont pas tous vous répondre. C'est pas la peine. On ne les connaissait pas, les gens. Hein. Mais on a tellement été habitués à dire mignon. Bonjour que... On disait bonjour à tout le monde, toutes les personnes qui passaient. Ça, c'est passé. Ah, c'est fait, oui. C'est du passé, tout ça. Et oui, c'est vrai que la politesse aujourd'hui... Oui, c'est pas ça. Il y a aussi, c'est que, pour revenir à l'école, on aimait beaucoup nos maîtresses. Hein. On était quand même... Oh, pas moi. Pas toi. Que ça. Ah. Non. Si, à part moi, non. À part oh, non. Cette... Moi, il y en a que j'ai adoré. Oui, il y en a que j'ai adoré, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et que j'ai revu même plus tard. Bon, c'est vrai que c'était une école quand même de quartier. C'était une très grande école, mais il y avait énormément d'enfants dans le quartier. Et tous les enfants se connaissaient. Mmh. Et on se suivait depuis la maternelle. Ah, oui. Donc, c'était toujours les mêmes classes et les mêmes enfants. Mmh. Donc, c'est ce qui fait peut-être aussi qu'il n'y avait pas de harcèlement. Parce qu'on se connaissait tous. Oui. Ah oui. On habitait les uns à côté des autres, donc... C'est vrai. Ouais, il n'y avait pas de mélange, il y avait beaucoup moins de nouveaux. C'est vrai que là, quand on regarde actuellement des enfants qui sont dans une école primaire rurale avec 80 élèves, ils vont se retrouver avec 800 collégiens dès qu'ils passent en sixième. Oui. C'est quand même très perturbant. Bah, ils n'ont plus leurs copains, hein, que nous, on les avait jusqu'à 14 ans, donc... Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est... Moi, les souvenirs que j'ai quand on rentrait en classe, c'était la leçon de morale. Ah oui. Et ah oui, moi, il y a des tous les jours. Il y a, oui. y a des, j'ai des leçons de morale qui m'ont marqué. Ah oui. Il y en a une qui me un voleur qui on y avait coupé la main et la main qu'il suivait après. Enfin, c'était des trucs un peu horribles finalement. Et mais ça nous marquait. Enfin, moi personnellement, ça me marquait. Mais il y en avait y a plein tous les jours. On avait notre leçon de morale pour le respect, pour tout ce que. Alors finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment encore des dans c'est les classes. C'est fini ça. C'est plus la mode. C'était pas question que ça soit et, remis. Et nous, on devait choisir notre notre morale à nous et l'afficher en première page de tous nos cahiers. Oui. Et moi, j'avais choisi je veux donc je peux. Ah. Et j'y pense toujours. Je veux donc je peux. C'est la doctrine de Marcel. Voilà. Quand on veut, eh ben on peut. Oui. Vouloir, c'est pouvoir. Odette aussi, vous avez connu ces leçons de morale à l'école ? Ah ouais, ouais. Il y avait la leçon de morale ? Il y en a une qui vous a marqué particulièrement, dont vous vous souvenez, par exemple ? Oh là là. Hélas. Là, il y en avait une tous les jours, alors... Oui, tout... oui peut-être qu'après... Oui, elle... c'était écrit sur le cahier de brouillon. Oui. Hein. C'était écrit au tableau écrit quand on arrivait. Même au tableau, ouais. Oui, oui. Il fallait, écrit au tableau, fallait faire ça avait. Tous les... Hein. Il y en avait une autre aussi, avec un œil qui suivait. Mais oui. Et on devait s'exprimer là-dessus, on devait dire ce qu'on en pensait. C'était la campagne, une vieille fille, comme institutrice, on l'a, je l'ai eu, j'en viens jusqu'au certificat. Oh oui, elle était... Et les punitions à la maison, alors ? Quelqu'un a des souvenirs des punitions à la maison ? Non, moi, j'en avais pas. Non, moi non plus. Je m'en souviens pas. Ça ne m'a pas marqué, tout du moins. Moi, mon père avait juste à me regarder, ma mère aussi. Je savais que ce n'était pas bien. Moi, un jour, je devais avoir 14-15 ans. Je devais aller à un bal, sortir avec... J'avais 15 ans. Et puis, mon père était assez gravement malade à ce moment-là. Ça ne sait pas trop ce qu'il avait. J'avais fait une grosse bêtise pas longtemps avant, dont je ne vous parlerai pas. Mais c'était une grosse bêtise. Et il m'avait dit, bon, tu vas y aller exceptionnellement, mais il faudra que tu rentres à une heure. Ah oui. Puis, bah, vous savez, quand on est jeune et qu'on est au bal à une heure du matin, c'est l'heure où on s'amuse bien. Et puis, je suis rentré la fleur au fusil à 3h du matin. Oh là ! Mon père était debout dans la cuisine de la ferme, en train de m'attendre avec ma mère. Et bah, je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, je t'avais dit de rentrer à une heure. Mais je dis, oui, mais tu ne m'avais pas dit laquelle. Oh, je me... C'est la seule gifle que j'ai reçue de mon père. Ah, ouais. Ah, quand même. Oh, c'est gonflé, quand même. Ah, là. Fallait y penser, hein. Bah, il ne veut pas répondre. Oui. Ah, bon, bah, ouais. Voilà. Tu n'avais pas été sale. Non, j'avais pas été sale. Oui, c'est vrai que moi, la seule... La punition que j'avais, je la méritais. Ça me rappelle aussi, on était sortis, on était allés au bal. Hein, et le bal était juste à côté de chez nous, hein. De notre chambre, on entendait, hein. Oui. On entendait la musique. Oui. Les parents étaient à quoi ? À quelques mètres. Et donc, on nous avait dit, mais vous rentrez à minuit. Bah, attendez, à minuit. Vous partez à 9h et à minuit, il faut rentrer. C'est ridicule, non, c'est pas possible. Hein. C'est l'heure où on commence à s'amuser. Donc, avec ma sœur, on est rentrés un peu plus tard. Mais là, c'est pareil. Hein. C'est pas papa, mais c'est maman qui nous attendait. Et on a été privés de bal, bah, le week-end d'après, quoi. Et on était au lit, on entendait la musique. Ah, ça devait être dur. Les parents, ils avaient peur des garçons. Oui. Oui, c'est ça. C'était surtout ça. C'est ça. Et donc, on est retourné au bal après. Là, on nous avait dit, vous rentrez à telle heure. Mais nous, oui, d'accord, on était rentrés avec le copain. Je me revois encore en bas de l'escalier. Et on était là tous les quatre. Hein. On a dit, bon, on est rentrés quelque part. Hein. Et maman qui nous attendait quand même dans la cuisine. Et qui dit, mais vous n'êtes pas rentrés. On n'était pas rentrés à l'heure. J'ai dit quand même, on était là, quoi. Non, ça ne suffisait pas. Surtout pas avec les copains. Hein. Oui. Attendez. Oh. On ne faisait rien de mal, hein, pourtant. On ne pouvait pas, de toute manière. C'est à vous qui ne faisiez pas confiance ou aux éventuels garçons qui tournaient autour ? Non, non, je pense qu'ils avaient tellement peur qu'ils nous faisaient... Moi, je sais que je sortais très, très peu. Hein. Ah oui ? Je sortais l'après-midi pour aller au cinéma avec un de mes frères, mais je ne sortais pas toute seule et je ne suis jamais allée danser toute seule. Ah oui ? Donc, je me rattrape maintenant. Moi, quand j'étais ado, j'avais plutôt des copains que des copines, mais des bons copains. Hein. Et mon père me disait, je commence à en avoir marre de te voir toujours avec des garçons. Je dis, le jour où tu pourras t'inquiéter, c'est le jour où tu me verras avec un seul garçon. Mmh. Voilà. Toujours réponse à tout, Marcel, attention. Ouais. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup plus de copains garçons que de copains filles, de copines. Mmh. Donc, ça les gênait, ça leur plaisait pas. Donc, mais bon, je m'en fichais. Hein. Pour moi, je prenais pas ça comme une punition. Je me disais, bon, ben oui, ils ont peur. Et puis voilà. Ouais, ils avaient peur, mais je trouvais d'autres moyens, hein, parce que je mentais beaucoup à l'époque. Hein. Ah. Ah bah oui. Hein. Oh, puis elle nous dit ça tranquillement. Bah, moi, bien je mentais beaucoup. Hein. Attends, je sortais du collège. Il y avait la foire, juste au pied du collège, il y avait la foire Saint-Romain à Rouen, qui se trouvait à l'époque sur des grands boulevards. Là. Donc, on avait des copains d'école, enfin du lycée. Enfin, oui, c'était collège, du collège. Donc, on allait faire un tour à la foire, auto-tamponneuse et tout ça. Mmh. Et puis, moi, je disais aux parents, le bus était en retard. Il n'y avait pas de bus. Donc, on trouvait toujours un moyen d'avoir une demi-heure ou une heure de plus, quoi. Mmh. Et c'est ça, le problème. C'est comme ils ne nous faisaient pas confiance, parce que j'avais beaucoup de copines dans mon cas. Hein. Mmh. Comme ils ne nous faisaient pas confiance, on était obligés de trouver des... Et c'est ça qui est dangereux aussi, de ne pas faire confiance. Oui. Mais moi, je ne mentais pas. Hein. Moi, je me suis prise plusieurs fois la tête avec ma mère. Mais, parce que j'ai souvenir de revenir du cinéma avec ma sœur jumelle. Et on avait été voir, il était une fois dans l'Ouest. Le film, il dure longtemps. Et oui, donc on arrive, on s'est pris une engueulade. Sauf que moi, je ne me laissais pas faire. Et je finis par y dire, prends le journal, tu vas voir la durée du film. Je dis, parce que nous, en plus, on y avait été à pied au cinéma, en Boise, revenir à pied. Et j'ai pas cédé. Bon, elle nous frappait plus à cette époque-là. Hein. C'était terminé, quand même, les claques. Mais je tenais tête. Et ça l'agaçait prodigieusement. Hein. Mais bon, par la suite, elle m'a dit, je pouvais te faire confiance à toi. Mais la moindre chose, c'est vrai, pas de confiance, quoi. Non, elle n'avait pas de confiance. Alors que nos frères et sœurs... Après, ils avaient le droit de sortir. Ah, mais nous, surtout ma sœur aînée nous a ouvert un peu la porte quand même. Mais oui, mais les aînés ouvrent toujours la porte. Parce que c'était encore pire. La porte. Ah, oui. Mmh. Mais oui. Ah oui, là, c'est plus compliqué. Oui. Hein. Oui, oui. Et alors, ça fait un petit moment qu'on discute et qu'on parle des méthodes éducatives, des punitions, tout ça. Et il y a un mot qu'on n'a encore pas évoqué. Pourtant, on en parlait juste avant. C'est le fameux martinet quand même. Ah, j'ai pas connu. Alors Non. Non, chez nous, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Et chez pas. Moi, encore moins. Parce que, personnellement, j'ai vu ma belle-sœur se servir du martinet sur son fils aîné. Oh, ouais. J'ai dit, j'étais pas mariée à cette époque-là. J'ai dit, ça, il n'y aura jamais ça chez moi. Parce que dans sa colère, j'y ai assez pas rendu compte. Il dit, bon, c'est sûr, c'était les jambes. Mais j'ai vu les marques. J'ai dit, non, ça, jamais ça chez moi. Non. Ah, oui. Et chez ma mère, non, c'était la main, elle. C'était le père Fouettard. Mais bon, le père Fouettard. C'était pas une violence non plus. Oui. Non, nous, c'était le père Perrin. C'était le marchand qui venait chercher les peaux de lapin. Il nous faisait peur. Alors, quand il arrivait, on se cachait sous la table. Ah oui. Ah, père Fouettard, je pense qu'il y a encore des maisons où on en parle. Oui, certainement. Ah, peut-être. Oh, je pense. Il y avait aussi à l'époque un type de punition, on nous mettait au coin. Oui. Hmm? Ah oui, le coin. Et ça, c'était... Oh. Et moi, je me souviens, mon grand-père m'a mis au coin une fois, parce qu'il avait neigé, et en rentrant de l'école, on s'est mis à faire... On allait jusqu'au village, du village où il habitait, jusqu'à l'école, il y avait 2 kilomètres à faire à pied. Et tout le long, quand on allait à pied, quand il neigeait, on n'y allait pas en vélo, bien sûr. Et on ramassait plein de gosses, et puis on se retrouvait tout un troupeau. Et on s'était mis à se bagarrer d'un bout à l'autre avec boule de neige. Mmh. Alors, déjà, mes grands-parents s'inquiétaient parce que je n'étais pas arrivée à l'heure. Mmh. Et quand je suis arrivée, j'étais trempée, mais trempée et frigorifiée. Parce que quand même, on avait marché un peu après la dernière bagarre. Et ma grand-mère, le seul chauffage qu'il y avait, c'était la cheminée chez mes grands-parents, m'avait mise auprès de la cheminée, essayé de me se réchauffer les mains. Mon grand-père est rentré, il a dit, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas froid. Il m'a mis au coin, à l'opposé de la cheminée, et j'ai dû me réchauffer comme ça. Ah oui. Ah bah oui. Ça marque. Vous savez, mais il est arrivé d'aller au coin, mais pas souvent. Mais là, je l'avais mal pris. Hein. Mmh. Ah bah oui. Nous, le coin, c'était à l'école. Moi, je ne l'ai pas connu, mais l'école, oui. Je sais qu'il y avait un élève, je l'ai souvent vu au coin. Il faisait partie de la DAS. Alors, est-ce que la maîtresse l'avait dans le... Je ne sais pas. Mais en plus, il avait des problèmes de vessie, on va dire. Ah oui. Et ça y arrivait de demander souvent aller aux toilettes. Et la maîtresse, des fois, lui refusait. Et il faisait dans sa culotte, quoi. Et là, il allait au coin après. Et les mains sur la tête, connu. Hein. Non, juste au coin. Bah, les mains dans le dos. On dans était dos. Peut-être sur un peu de harcèlement, là, du coup. Oui, du coup. J'ai là... même connu à l'école libre où j'étais, pas, hein. Aller au coin avec le bonnet d'âne. Oui. Ah oui, le bonnet d'âne. Oui, le bonnet d'âne. Enfin, moi, j'y suis jamais allée. J'ai jamais eu le bonnet d'âne, mais c'était une des punitions. Non, nous, c'était les coins, ou alors il y en avait certains. C'était les garçons, surtout le tour de cour. Les tours de cour aussi, oui. Alors là, si les parents passaient devant, on ne sait jamais. Hein, ça... voilà. Oh ben, je me promenais. Non, mais on voyait bien la cour de la classe. Hein. Ils ne pouvaient pas... Mais oui, parce que l'école, elle était au cœur du village. Ah bah tout à fait. Ah non, non, elle était en pleine campagne. Ah, elle, oui. était, enfin, elle était à peine à 500 mètres de chez moi, et on était les plus près. Ah oui, d'accord. Alors, mais donc, il bon, fallait les... se tenir à carreau. Oui. Mais bon, la cour, elle était bien visible quand même quand les gens passaient. Eh bien, merci pour tous vos témoignages, mesdames. Nous n'étions qu'entre femmes aujourd'hui. Bah oui. Voilà. Quand même, les deux animateurs, quand même, tes collègues. Oui, pardon. Ils sont avec nous quand même. Je peux poser une question ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils pensent de notre époque, finalement ? Enfin, nos époques, parce qu'il y a plusieurs époques. En fait, je me rends compte, en vous écoutant parler, malgré la différence d'époque, je me dis qu'il y a des choses qui ont sensiblement très peu changé, notamment les punitions à l'école. J'ai été au coin pareil quand j'étais en primaire, etc. À la maison, c'est pareil, je me suis fait plusieurs fois engueuler parce que, comme vous, si le prof me punissait, c'était pour les bonnes raisons. Donc si je me plaignais à la maison, ça m'arrivait de finir au coin. Donc au final, je me rends compte que, malgré l'évolution du temps, il y a certaines choses qui n'ont pas beaucoup évolué. Et ça me fait assez rire. On a l'impression maintenant que les instituteurs, les profs ne peuvent plus rien dire, ni punir, ni... Je ne sais pas, mais ce que je vois surtout, c'est que... Parce que les parents, après, réagissent. Quoi. Oui, il y a aussi ça, mais je vois surtout qu'on a affaire à des profs qui sont en manque de moyens. Je ne sais pas, vous étiez combien dans votre classe, mais on a... Oh, une trentaine. Hein. Trentaine, quand même. Ah, oui. Nous, il y avait plusieurs classes. Il y avait dans la petite classe, ce qu'on disait la petite classe, c'est la grande classe. Il y avait le cours préparatoire, CE1, CE2. Et dans l'autre classe, il y avait CM1, CM2, cours de fin d'études première année, cours fin d'études deuxième année. Ah, vous étiez plusieurs niveaux au sein d'une même classe. Il y avait quatre niveaux, la dernière classe. Donc, on était, oui, largement 30. Hein. Parce que c'est vrai que maintenant, on va prendre le CM1. On va se retrouver avec 31 élèves du même niveau face à un prof dans des salles qui parfois tombent en lambeaux. Et je trouve que c'est plus dur maintenant pour un professeur d'appliquer certaines règles élémentaires comme la morale, etc. et l'éducation dans une salle qui tombe en ruine face à des gamins qui sont surchargés et qui ne veulent pas forcément écouter. Il y a aussi le fait qu'il y ait moins d'heures. Il y a moins d'heures de cours aussi. C'est pas ça le problème. Le moins d'heures de cours, il y a des... Un tas de pays en Europe où il y en a encore moins et ça se passe bien. Oui. Le gros problème de l'enseignement actuellement, surtout l'enseignement primaire et même après, c'est que les professeurs, on dit éducation nationale. L'éducation, ça devrait être les parents. Eux, à l'école, ça devrait être que l'enseignement. Et malheureusement, quand il faut faire la discipline dans la classe avant tout, c'est pas facile. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Il y a un manque d'éducation. Et aussi, autre question famille, que je voulais vous poser, mis à part l'éducation propre avec le français, les maths, etc., est-ce que vous aviez des activités extrascolaires qui étaient plus régulières ou peut-être pas du tout ? Non. Nous, on faisait de la gym aussi. Tu as fait de la gym, toi ? Oui. Et puis, au collège, on pouvait faire des activités comme le handball, le basket, au niveau scolaire, au niveau... En primaire ? Non, au collège. Au collège, oui. Est-ce que vous appreniez la Marseillaise à l'école ? Parce que nous, on nous l'apprenait. Oui. Alors, je ne sais pas pour les classes de maintenant, mais pour ma part, oui. J'ai appris le premier, le deuxième. Je n'ai pas appris les 6 ou 7 couplets, j'ai appris jusqu'au premier refrain. Mais oui, je l'ai appris, la Marseillaise. Oui. Et d'ailleurs, la Marseillaise, j'ai beaucoup de respect pour l'hymne de la France, mais il faudrait changer les paroles quand même. C'est trop belligérant, je trouve. Je trouve que c'est trop belligérant. Un sang impur, hein, abreuve nos sillons. Non, mais attends. Ben moi, justement, c'est quelque chose qui manque un petit peu maintenant à la France. Justement, ce sang impur qui abreuve nos sillons, c'est un petit peu le sang des bourgeois qui manque oui, de respect mais au bas plat. Ça correspond plus vraiment. Et c'est dommage, je trouve. À notre époque. Mais bon, ça n'engage que moi. Oui, mais autrement, moi, je trouve qu'il y a certaines matières à l'école qui manquent. Parce que moi, je l'ai vu par rapport à ma fille et mon petit-fils, en histoire, en géographie, tout ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Même en maths, même science, oui. Il y a plus qu'on apprenait. C'est tout juste c'est peut-être s'ils un peu arrivaient trop détaillé à lire. Maintenant. C'est tout juste s'ils arrivaient à lire, arrivaient à je ne sais plus quel âge. Moi, je ne comprenais pas. À 10 ans, nous, on lisait. Là, ils avaient du mal à lire couramment. Je trouve peut-être que c'est un peu trop éclaté dans le sens où c'est pas assez précis par rapport à ce qu'on apprend. Par exemple, au lycée général, les équations à une ou deux inconnues en seconde, ça m'a pas très servi. Pour les filières ensuite, S, etc. Oui, il n'y a pas de souci, mais pour la générale, je sais pas si c'est vraiment c'est très utile. C'est important pour définir la filière quand même. Moi je vois à l'école, on avait le calcul mental le matin. Maintenant, on leur donne des machines. Moi, ma fille ne savait pas calculer mentalement quand elle arrivait pour faire l'apprentissage. Et bah oui, mais il y a plus ce calcul mental là. Il y a plus ce mécanisme. Il y a une matière qui n'est vraiment pas exacte, c'est l'histoire de France. Parce que l'histoire de France, pendant longtemps, elle a été écrite par des catholiques. Et elle a été faussée. Par exemple, on nous apprend que Jeanne d'Arc gardait des moutons. C'est absolument faux. Jeanne d'Arc, elle était issue d'une famille noble. Elle préférait les filles que les hommes. Donc elle allait trouver les bergères et voilà quoi. Et quand elle a dit qu'elle entendait des voix, ils ont été très contents de s'en débarrasser parce que la noblesse locale ne l'appréciait pas du tout. Ça, on ne nous l'apprend pas dans l'histoire de France, parce que c'est... Il y a certaines inexactitudes qui sont... Voilà. L'histoire était racontée surtout par les catholiques à l'époque. Donc, j'ai d'autres exemples, ça ne vient pas en tête comme ça, mais plusieurs exemples où on nous raconte des salades, quoi. Et comme je dis toujours, avec toutes les salades qu'on nous raconte actuellement, il va falloir faire des réserves d'huile et de vinaigre. On n'allait pas si loin non plus dans les vies privées Enfin ça fait partie de sa vie privée, ce que tu dis là, Jeanne d'Arc. On n'allait pas aussi loin dans l'histoire de France. C'était juste les dates de ce qu'elle avait fait. Et... Oui, mais on nous a dit que c'était une bergère. Une bergère, oui. Et c'est faux. Et même il y a d'autres pendant de l'histoire que je trouve qui sont un petit peu édulcorés. On n'a pas trop envie d'en parler, comme notamment ce qui s'est passé en Indochine ou en Algérie, qu'on n'a pas forcément ça, trop envie d'en parler. Oui, bah, ça aussi, c'est effectivement plus récent. C'est plus récent, ça. Dans l'histoire contemporaine, il y a beaucoup à dire. Mais c'est vrai que c'est des sujets... Il y a des devoirs de mémoire qui ne sont pas toujours respectés. Oui, ça s'arrête à Napoléon. Bien. Et ben après ce petit tour dans l'histoire, on aura appris des choses sur Jeanne d'Arc, grâce à Marcel. Merci à toutes et à tous de votre participation à ce nouveau numéro des Retraités s'activent. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission avec une autre thématique. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.